Ils sont juristes experts et répondent à toutes vos questions. Bienvenue dans le nouvel épisode de À vos droits by Jury Travail. Aujourd'hui, Manon et Aurélie vous répondent à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 4. Je suis Aurélie, votre hôte et également juriste chez Jury Travail. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon. Bonjour Aurélie. Je me suis dit que ce serait trop cool de parler de sujets juridiques en rapport avec la saison, l'hiver, Noël. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence par parler du minimum légal de température dans un logement lorsqu'on est locataire ou copropriétaire. Il faut déjà bien distinguer qu'il existe deux réglementations différentes en fonction du type de logement. Une pour les logements avec permis de construire déposés après le 1er juin 2001 et ensuite les logements dits plus anciens. Lorsque le permis de construire a été déposé après le 1er juin 2001, c'est l'article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation qui s'applique. En effet, cet article impose que les équipements de chauffage du logement maintiennent une température de 18 degrés au centre des pièces du logement. Et pour les logements plus anciens, Aurélie, comment ça se passe ? Lorsque le permis de construire du logement a été déposé avant le 1er juin 2001, la règle est différente, ce n'est plus le même article qui s'applique. Ici, on parlera plutôt d'un chauffage normal. C'est l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique. C'est-à-dire que le bailleur doit fournir un logement décent au locataire et de ce fait, s'il fait trop froid, le locataire a le droit de demander au bailleur de faire les réparations. De plus, c'est dans le décret du 30 janvier 2002 qu'on a évoqué cette notion de chauffage normal pour ce type d'habitation. Du coup, il n'y a pas de degré minimal pour ce type d'habitation, si je comprends bien. Non. Cette notion de se chauffer normalement est un vide juridique étant donné qu'il n'y a pas vraiment de degré qui a été décrété. Néanmoins, c'est le juge des contentieux et de la protection qui va apprécier le degré minimal. Ah bon ? Mais du coup, il existe des recours pour le locataire s'il fait trop froid ? Oui, effectivement. Le locataire doit envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire. Ce courrier se base sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Les réparations sont donc à la charge du propriétaire et vous devez l'informer de la situation et le mettre en demeure de faire en sorte que le système de chauffage soit réglé correctement. En l'absence de réponse du propriétaire, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend son logement. À titre de comparaison, en Suisse, selon un arrêt du tribunal fédéral de 2017, les températures pour un appartement à faible consommation sont entre 19 et 20 degrés, et pour un autre type de logement, ça se situe entre 20 et 21 degrés. En revanche, je tiens vraiment à préciser que l'article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation évoque exclusivement les bâtiments à usage d'habitation. Ça peut être un logement ou plusieurs logements, un foyer comme les foyers pour les jeunes ou les EHPAD par exemple. Mais cet article exclut totalement les locaux à usage professionnel. En effet, on le verra plus tard, mais il y a d'autres règles pour les locaux professionnels. Oui, effectivement, on le verra plus tard, mais vu qu'on a beaucoup de questions de nos assurés, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la trêve hivernale. Moi, ça me va. Tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Celle-ci s'applique du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, l'expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu. Elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s'applique pas dans certains cas. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous vous expliquons. En fait, il faut différencier trois situations. Il faut différencier donc la situation du logement habité par un locataire, celui occupé par un squatteur, ou s'il y a une expulsion qui a été ordonnée par le juge des affaires familiales. On commence par les locataires alors ? Super ! Alors, il faut savoir qu'aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de la trêve hivernale. Cette période, comme je l'ai dit précédemment, va du 1er novembre au 31 mars inclus de l'année suivante. Y a-t-il des exceptions ? Effectivement, Aurélie, la trêve hivernale ne peut s'appliquer lorsqu'il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire. Mais comment le bailleur propose-t-il ce relogement ? Selon l'article L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation, celui-ci prévoit la démarche à suivre pour l'offre de relogement. En effet, tout d'abord, il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure sur le fondement de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989 au locataire. Si la lettre est restée infructueuse, le bailleur propose une offre de relogement au locataire. S'il n'y a pas de réponse ou un refus de la part du locataire, le bailleur peut saisir le juge pour faire résilier le bail après le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre. De ce fait, durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d'engager simplement une procédure d'expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé par exemple, c'est une procédure d'urgence. Si le juge ordonne l'expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale, puisque logiquement, et on l'a vu juste avant, aucune expulsion ne peut être faite pendant la trêve. D'accord. La trêve hivernale n'empêche pas le propriétaire d'engager une procédure contre le locataire, alors ? Exactement. Mais du coup, après la trêve, quelle est la démarche à suivre pour expulsion ? En dehors de la trêve hivernale, et ce donc après le 31 mars, c'est l'article L412-1 du Code de procédure civile d'exécution qui indique la démarche à suivre. En effet, l'expulsion d'un lieu habité ne peut généralement pas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux. Ce délai est prévu pour donner le temps à l'occupant de trouver une solution de relogement. Le juge peut même décider de réduire ou de supprimer ce délai de 2 mois dans certains cas spécifiques, notamment comme on l'a vu précédemment en cas de procédure de relogement. Il n'y a pas de délai en cas de mauvaise foi ou d'entrée par des manœuvres de menace ou de la contrainte dans le logement. Tu m'as parlé des squatteurs tout à l'heure. La trêve hivernale s'applique dans ce cas-là ou pas ? Tout d'abord, un squatteur est une personne qui occupe un lieu, après y être entrée illégalement. Donc, pour reprendre possession du logement, il faut porter plainte et demander l'évacuation du squatteur. Et lorsqu'un squatteur occupe un logement, l'expulsion peut avoir lieu quelle que soit la période de l'année. La trêve hivernale, dans ce cas, ne s'applique pas. D'accord. Et concernant l'expulsion prononcée par le juge ? Alors, pour les expulsions prononcées par le juge, il faut différencier 2 situations. Le cas de divorce, premièrement. Lorsque le juge aux affaires familiales décide que dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation que l'un des membres du couple doit être expulsé du domicile conjugal, l'expulsion peut avoir lieu même au cours de la trêve hivernale. Dans un second temps, le cas de violence dans le couple. Lorsque le juge aux affaires familiales décide que dans le cadre d'une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l'expulsion peut avoir lieu même au cours de la trêve hivernale. Comme dit précédemment, dans les bâtiments uniquement d'habitation, les éléments d'équipement doivent permettre de maintenir une température de 18 degrés dans le logement. Mais qu'en est-il d'un bâtiment à usage professionnel ? Le Code du travail ne définit pas de température minimum légale sur le lieu de travail, en dessous de laquelle un salarié ne pourrait pas travailler. Le Code du travail prévoit simplement qu'il doit faire une température convenable dans les locaux de travail et que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés contre le froid et les intempéries pour ceux qui travaillent en extérieur. Selon l'article R4223-13 du Code du travail, les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. Néanmoins, la notion de température convenable n'est pas définie, mais il va de soi qu'il faut que les travailleurs soient à l'aise pour travailler. Toutefois, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles donne une température en dessous de laquelle l'environnement est considéré comme froid et indique des températures de confort pour travailler. En effet, un environnement est considéré comme froid pour une température de l'air inférieure à 18 degrés, température à laquelle se déclenchent des déperditions de chaleur. En dessous, il peut apparaître dangereux de travailler. La température corporelle peut aussi indiquer à partir de quand il est inconfortable ou dangereux de travailler, malgré un équipement adapté. Découvrez le tips du juriste. Lorsqu'il fait trop froid pour travailler, si le salarié estime que la température dans les locaux de travail ou en extérieur est trop froide, il doit prendre contact avec son employeur ou le service des ressources humaines pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires. Il pourra prendre contact également avec les représentants du salarié qui pourront travailler conjointement avec l'employeur à la mise en œuvre d'actions de prévention et de protection. Le médecin du travail qui peut préconiser des aménagements de poste, l'inspection du travail qui peut vérifier que l'employeur respecte ses obligations et le mettre en demeure de le faire si tel n'est pas le cas. De plus, le salarié peut utiliser son droit de quitter son poste, mais uniquement s'il estime qu'en raison des températures trop froides, il encourt un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Dans ce cas, il peut utiliser son droit de retrait. Pour cela, il doit immédiatement prévenir son employeur et se retirer de cette situation. Il faut aussi noter que l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre toutes les mesures pour prévenir et réduire, voire supprimer, les risques qu'engendre le travail dans un environnement froid. Vous avez la possibilité de mettre en place des mesures avec le service RH. En effet, l'INRS donne plusieurs pistes pour aider les entreprises et leurs services des ressources humaines à limiter les risques liés aux basses températures. adapter les conditions de travail, modifier les rythmes de travail, sensibiliser et former les salariés sur les risques liés au travail par température froide, mettre à disposition des équipements de protection individuelle contre le froid et s'assurer de leur utilisation effective par les salariés. On va changer de sujet, la fin d'année arrive et on entend souvent parler de primes de fin d'année, de 13e mois, de primes de Noël. Aujourd'hui, on va parler de la prime de Noël, celle au travail et celle versée par l'État. Dans un premier temps, nous allons parler de la prime de Noël qui est versée par l'employeur. C'est une prime qui est imposable. Le montant, la fréquence et les modalités d'attribution de cette prime peuvent donc varier largement d'une entreprise à une autre. Il faut bien se dire que la prime de Noël n'est une obligation que dans ces différents cas de figure. Attends, laisse-moi deviner. Contrat de travail, convention collective... Il en reste deux. Ah, je sèche. Effectivement. Si c'est inscrit dans le contrat de travail, si c'est inscrit dans la convention collective, si votre employeur s'est engagé unilatéralement, enfin, si c'est un usage. Mais c'est quoi exactement un engagement unilatéral de l'employeur ? Ça se définit comment ? Un engagement unilatéral, c'est une manifestation de volonté exprimée par l'employeur de donner un ou des avantages à une catégorie de salariés. Il n'y a pas vraiment de conditions précises autour de cet engagement. Ça peut être une augmentation de salaire, le télétravail, le choix de la mutuelle. Ok, je vois. Mais du coup, c'est quoi un usage ? Découvrez le tips du juriste. Cette notion d'usage d'entreprise a été introduite par une décision de la Cour de cassation du 27 mai 1987, mais l'usage est devenu effectif dans une décision de 1996. Un usage n'est en revanche pas perpétuel et il peut être dénoncé ou modifié, mais ça fera l'objet d'un prochain podcast. Ok, mais en pratique, ça donne quoi ? Par exemple, le fait d'avoir une prime de Noël tous les ans sans forcément d'écrit, on appelle ça un usage. Pour être encore plus précise, l'usage doit répondre à trois conditions. Il doit être général, c'est-à-dire accordé à l'ensemble des salariés ou seulement une catégorie de salariés. Il doit être constant, l'avantage doit être répété au minimum deux fois. Et il doit être fixe, l'avantage doit toujours être identique, soit dans son montant, soit dans son mode de calcul. C'est-à-dire que si depuis 4 ans, vous avez une prime de Noël de 500 euros, par exemple, c'est considéré comme un usage. Il faut donc bien comprendre que le non-versement de la prime de Noël pose problème lorsque les années précédentes, vous la perceviez. Mais pas cette année, par exemple. En effet, le droit du travail prévoit la règle suivante. L'employeur ne peut être contraint de payer la gratification que si ses versements correspondent à un usage en vigueur dans l'entreprise. Néanmoins, ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas le droit à la prime de Noël par votre employeur, il vous reste la possibilité suivante, la prime de Noël de l'État. Tu peux m'en dire plus ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il est important de distinguer la prime de Noël s'adressant aux bénéficiaires du RSA qui est versé par la CAF ou la MSA et la prime de Noël versée par Pôle emploi. Il s'agit ici de la prime de Noël versée aux ménages dont les revenus sont les plus modestes. Elle est donc versée par la CAF et non par l'employeur. Les personnes qui peuvent toucher la prime de Noël en 2024 sont donc celles qui, en novembre ou à défaut en décembre 2024, sont par exemple bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité. Mais il y a également d'autres cas. Et le versement, il se fait quand ? Le paiement se fait une seule fois par foyer et par virement bancaire sur le compte du bénéficiaire le 17 décembre pour la CAF ou le MSA et le 16 décembre pour Pôle emploi. Donc assurez-vous que vos informations personnelles soient à jour sur votre espace personnel de la CAF. Il faut faire des démarches particulières ? Non, elle est versée de manière automatique. Aucune démarche n'est à effectuer pour l'apercevoir. En ce qui concerne le montant, il varie en fonction du lieu d'habitation et de la situation familiale. Merci Manon pour tes explications, ton intervention et ton expertise apportée aujourd'hui. Merci à toi Aurélie. Avec plaisir. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description. Pour aller plus loin, découvrez nos derniers articles sur notre site. À bientôt pour un nouvel épisode de À vos droits, va jury travail.